Moi, je suis Graziella Meloviana, chercheuse, artiste, professeure brésilienne. Je ne connais pas du tout Marseille. Pierre Fournier, sociologue, il m'a proposé de faire un parcours travers les temps et la rue de la République à Marseille. Nous nous sommes retrouvés à la gare Saint-Charles, Marseille. Nous avons pris les boulevards des Dames. Si vous voulez, vous pouvez nous retrouver dans ces parcours à partir du coin des boulevards des Dames avec la rue de la République. À partir de là, on va suivre la rue de la République jusqu'au Vieux-Port. On va monter au Panier et après, on retourne à la rue de la République. Si vous êtes perdu, consultez votre Google Maps ou sinon vous pouvez consulter les cartes que j'ai ajoutées à mon cahier de Polaroid. Chaque fois que vous entendez le bruit de mon appareil Polaroid, c'est-à-dire que j'ai pris une photo, regardez mon cahier. Vous verrez les mêmes que moi. C'est parti! Au cours des années 1996, ouais. Il n'y a pas le tramway. D'accord. Il y a deux voies de voiture dans un sens, deux voies de voiture dans l'autre, beaucoup de bruit, des trottoirs très réduits. D'accord. Des voitures, des voitures, des voitures, des voitures. Quelques remarques sur des commerces que nous constatons. Ce qu'on appelle des agences d'intérim. Les agences d'intérim, ça te dit quelque chose? Non, ça non. C'est le travail de gens qui acceptent de travailler pour la journée ou pour trois jours, des missions très courtes, d'accord, pour venir compléter le fonctionnement d'une entreprise d'intérim. Dans la rue, 10 commerces d'agences d'intérim. Il paraît faire beaucoup. On constate des commerces aussi pour manger des pizzas et des kebabs. Ça aussi, ça nous surprenait. Quand on s'arrêtait un peu dans ces lieux pour acheter à manger, on avait remarqué qu'il y avait souvent des symboles liés à l'Égypte. Le nom du kebab, ça pouvait être le Toutankhamon, le Nil. Ça aussi, c'est intriguant. Et on a fait cette exploration du lieu. On a regardé les églises aussi. Nous allons passer à côté d'une église. D'accord. Et cette église, elle est un tout petit peu sur le côté. On a une note, on la voit tout en bas, une façade blanche qui arrive sur une église. Avec ce petit dessin sur la façade, c'est une église. D'accord. Elle est assez en face. Mais l'autre, elle est vraiment sur le côté. D'accord. Alors, je t'arrête sur cette place. Oui. Cette place. Alors, là, je t'ai dit qu'on allait faire un tour dans la rue de la République. Oui. J'aurais dû te dire que nous allions faire un tour dans la rue Impériale. D'accord. Parce que quand elle s'ouvre en 1962-64, 1862-64, on est sous le Second Empire en France. Oui. Et donc, c'est la rue de l'Empereur. C'est même la rue qui irait, qui commencerait la route de Marseille à Nice. Alors, si tu connais un petit peu la géographie française, Marseille est au sud, Nice est aussi au sud. Cette rue, elle part vers le nord. Donc si elle doit aller de Marseille à Nice sud-sud, ça devrait être de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est, mais ça ne sera certainement pas vers le nord. Là, tout de suite, tu dis, oh là, mais c'est donc qu'il s'agit de convaincre de l'empereur, de voir sa grande puissance et d'accepter de payer un peu d'argent pour que sa grande puissance soit manifestée. Et donc, on est dans une opération compliquée de transformation de la ville où l'argent de l'État est mobilisé. D'accord. Okay, j'arrive au résultat final. C'est que c'est une opération d'aménagement de la ville. Et on va continuer sur l'opération de la ville en disant, tiens, il y a la place Impériale au centre de la rue Impériale. Oui. Et là, surprise, une rue, la rue de l'Impériale, une autre rue plate, et puis l'église est là-haut, en haut d'un haut mur. Et là, on regarde de ce côté et on dit mince, une autre rue avec un mur très très haut et des maisons tout là-haut. Et donc là, on comprend que pour aller du Vieux-Port au Nouveau-Port, on va faire passer une grande rue à travers la montagne. Montagne, le niveau du sol, il est là-haut. D'accord. D'accord. Le niveau du sol, il est là. Et on va faire une grande tranchée. Ouais. Passer à travers. D'accord. Okay. Je vois, ouais. On regarde un peu les archives, on s'aperçoit qu'il y a eu un projet de tunnel. On serait passé dessous. Parce qu'on veut faire communiquer l'ancien et le nouveau port. D'accord. Au 19e siècle, parce que à ce moment-là, les quais sur le port, les endroits où on décharge les marchandises, sont pleins de marchandises, c'est difficile pour circuler. Il faudrait pouvoir aller de l'un à l'autre facilement. On a pris la montagne pour arriver à faire passer ça. Et du coup, ces immeubles ont des jolies façades de ce côté, mais de l'autre côté, la façade, elle fait quelle hauteur? Elle est toute petite, parce qu'elle est appuyée sur la montagne. De ce côté, c'est pareil. La façade là-haut, elle est toute petite. Ouais. Donc, c'est des immeubles qui ont des grands appartements de ce côté et des toutes petites choses de l'autre côté. Bizarre. Je vois, ouais, c'est bizarre. Bizarre. Je peux faire une photo? Donc, Et tu vas deviner, juste parce qu'il s'avance un peu, que la rue est longue. D'accord, ouais. Sans en rendre compte, on va la traverser. Donc, au moment où on la traverse, tu regardes bien là-bas. Regarde bien d'ici et tu vas mesurer, sinon les arbres t'empêchent un peu de voir. D'accord. Comment c'est fait. Voilà. Oui, oui. Okay. T'as un peu perçu. On d'accord. Va par là. Ouais. Il y a encore quelques magasins qui ne sont pas utilisés, mais tu vas voir qu'il y en a moins. On a beaucoup plus de commerces qui sont installés dans cette partie d'accord. de la rue. Il y a en gros trois segments, le début du côté du vieux port, le milieu et le côté du nouveau port, des nouveaux ports. D'accord. Et on voit que les trois segments ne sont pas utilisés de la même façon, ce n'est pas les mêmes commerces. Là, c'est des commerces plus grands, avec plus de monde. D'accord. Au milieu, c'est juste les commerces des gens qui habitent derrière, qui ont besoin de manger ou qui ont des préoccupations. Donc là, on s'approche du très fort centre de la ville. D'accord. Donc, ça suffit de traverser les ronds-points et les choses changent un peu. Un peu. On a analysé l'haussmannisation des villes, donc les transformations des villes sous le Second Empire. On s'est aperçu que souvent ces grandes rues reliaient deux églises. Mmh. Et là, il y en avait une qui n'était pas exactement sur le chemin entre les deux. Et donc, elle est un peu sur le bord. Elle est là, mais elle n'est pas en mise en évidence. Comment s'appelle cette église? Je ne sais même pas, tu d'accord. vois. Si, je crois que c'est Saint Cana. D'accord. Mais je peux faire une photo? Si tu veux. Là, c'est... Ouais. C'est le fait que l'occupation change. Un petit peu. Ouais. Il y a plus de monde dans la rue aussi, mais pas exactement les mêmes gens. Mais il y a encore pas mal de commerces qui sont fermés quand même. Ils n'ont pas trouvé d'occupation alors qu'on est dans une zone où, assez proche du centre où il y a beaucoup de commerce. Allez, on peut passer vite que ça n'avance pas. Alors, nous arrivons enfin au bas de cette rue. On va donc se trouver au niveau de l'eau du vieux port. Et on va voir que le vieux port, c'est vraiment un grand espace dans la ville. On le dit pour tous les ports, mais celui-là, c'est un port finalement aujourd'hui de plaisance, donc de gens qui ont leur bateau pour faire du tourisme ou s'occuper de temps en temps. ça fait beaucoup de bateaux de ce type. D'accord. Et c'est un lieu où il y a quand même toujours pas mal d'activités. Pour les Jeux Olympiques, il va y avoir aussi des activités. Ah, d'accord. Tu m'as dit que l'avenue est liée à une église à autre. Voilà, donc ça c'est celle qui est en bas, Saint-Féréol. Voilà. Tu veux aller voir dedans, du coup oui, on va passer par là-bas. D'accord. Alors là, le sol est dur, l'eau est à partir des bateaux qui sont là. Il va jusque là-bas, la sortie du port est dans cette direction. Un port protégé, un port naturel, d'accord. Ce qu'on appelle une calanque. Si tu veux, Marseille, ça ressemble un peu à cet espace. Le nord, le sud, on est à peu près orienté comme ça. Et la calanque, elle vient comme ça. Elle vient là. Donc, nous sommes actuellement dans ce coin-là. La Notre-Dame de la Garde qu'on voit là-bas, c'est une autre colline. Et il y a un tunnel qui passe dessous, mais c'est beaucoup plus haut que de ce côté. Et donc au nord du Vieux-Port, il y avait des collines, trois collines, les Moulins, Saint-Laurent et les Carmes. Voilà, trois petites collines, et dont la colline des Moulins a été coupée par la rue de la République. Là, on est en train de penser que le Vieux-Port, c'est très grand. Mais le Vieux-Port, c'était encore plus grand que ça. On va s'en rendre compte en allant par là. D'accord. Là, nous sommes en train de marcher sur le Vieux-Port. D'accord. De l'époque romaine, de l'époque grecque, puis de l'époque romaine. D'accord. Et on va s'en rendre compte. On a dit qu'on passait oui. Quoi oui. Très bien. C'est sûr que je n'ai jamais vu assister à des concerts ici, alors que celle qu'on a vue plus haut, Saint-Calin, j'ai déjà assisté à des concerts. Voilà. Peut-être par hasard. J'ai été soigné. Tu gardes bien en tête le Vieux-Port. Oui. On continue dans le Vieux-Port en passant par là. Ah, d'accord. Après. De commerce, bourse des marchandises maritimes au 16e, 17e, 18e, 19e siècle. D'accord. Le Vieux-Port est donc toujours là. Ouais. Nous, on va aller marcher le long de cette grille là. Voilà. Peut-être traverser là. Découvrir une zone qui est restée un terrain sans construction du 1918 à 1960 à peu près. Et cette zone a enfin été Elle a servi à garer des voitures. Elle a servi pour des foires, pour des cirques. C'était un grand terrain plat. Et à partir de 1960, on a eu envie de construire un grand centre commercial dans cette zone. Et on a fait des fouilles, comme on fait dans ces cas-là. Et voilà ce qu'on a découvert. On a découvert ce qu'on appelle la corne du porc. C'est-à-dire que ce qui est en herbe, c'est la fin du porc. Et là, les quais du porc grec, puis du porc romain. Et donc, on comprend que cette zone-là n'était pas construite, que petit à petit, il n'y avait pas beaucoup de fond. Pour avoir des bateaux de plus en plus grands, il fallait plus de fond. On a préféré perdre cette partie, on l'a recouverte. Et c'est devenu des lieux d'habitation, des possibilités pour des habitations. Et on a reculé le port. On ne creuse pas, on va vers les endroits où il y a une plus grande profondeur. Et toujours parce que mon idée, c'est de te faire passer d'une époque à une autre dans la même ville. Tu vois ces deux grandes tours, il y en a une troisième qui est juste là derrière, qui ont marqué l'époque de la reconstruction d'après-guerre, où on a dit « Ok, on va construire des choses comme ça, très concentrées ». C'était l'époque où cette zone était toute plate, où il n'y avait rien. Hein, après, on a rajouté ces éléments. Ça, c'est les années 60-70, ce centre commercial. Et donc, ces immeubles ont incarné la modernité à Marseille du deuxième 20e siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. Pour dire « On fait un centre commercial ». On a creusé. Quand on a creusé, on est tombé sur des vestiges si rares et si difficiles à transporter, des fonds de bateaux, qu'on a dit, on va construire un musée autour des objets. D'habitude, on prend les objets, on les porte dans les musées. Là, on construit l'objet, on construit le musée autour de l'objet et on va mettre un musée d'histoire en plein centre commercial. D'accord, super. Et ça, ce n'est pas évident. Et donc, il est là. Tout ça, c'est le musée. Il a été refait en 2013 pour agrandir un petit peu. Mais les bâtiments où sont les fonds de bateaux sont là. D'accord. Parce qu'on a retrouvé ces fonds de bateaux au moment de creuser tout ça. Tu vas le voir sur le chantier de fouilles. Donc tu vois les fouilles en train de se faire. Et tu reconnais ce bâtiment, ces murs, c'est ceux que tu vois là. Ouais. D'accord ? Tu les vois en train d'être découverts. Et je trouve ça assez sympathique comme expérience. On voit les gens qui travaillent sur ce terrain-là. Un trésor, mais on ne sait pas trop comment on va le valoriser. Oui. Donc on fait sans faire. Alors là, on va retraverser la rue de la République une fois de plus, mais ce n'est pas fini. Et on va aller vers le vieux port, le long du vieux port. Au nord du Vieux-Port, regardez des choses qui sont de notre temps. Là, on est sur 1862-64. Oui. Et là, tu vas pouvoir essayer de t'amuser à dater les constructions françaises. D'accord. Allez, c'est bon. Donc, immeuble parisien, il est là, il est aussi sur le côté. Oui. Ce qu'on voit sur le vieux port, des immeubles que je ne te montre pas, je vais t'en montrer d'autres, mais on voit qu'effectivement ce sont des immeubles très étroits. Ah oui. Et donc des immeubles d'une autre époque, bien antérieure, de la ville moderne, voire de la ville médiévale, qui ont été rehaussés petit à petit, qui n'ont pas toujours fait cette hauteur. On devine par les architectures qu'il y a des étages qui ont pu être rajoutés dans le temps. Et là, on découvre quelque chose de complètement différent. Ah, c'est vrai. Qui n'est pas la ville parisienne que tu vois là, les immeubles de l'arrière de la rue de la République, qui n'est pas la ville moderne ou médiévale que tu vois de ce côté-ci, qui est encore autre chose, et on est après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette zone à l'arrière du Vieux-Port est considéré par les Allemands comme une zone où les résistants sont installés et par les autorités françaises comme une zone qu'on voudrait bien faire évoluer, la faire sortir de ces pauvres qui occupent le centre de la ville. On voudrait faire de la place. Et on va convaincre les autorités militaires allemandes de détruire ce quartier. Je suis méchante. Tu vois ? En disant, vous avez de bonnes raisons de les combattre, et nous, on a de bonnes raisons que vous vidiez tout ça. Et ça nous va bien, et on va détruire, c'est pas des bombes qui tombent du ciel, on va dynamiter les immeubles, ils vont s'effondrer, pour enlever toute la population, on va déplacer cette population dans une petite ville qui s'appelle Saint-Raphaël, puis ils reviendront sur Marseille, mais c'est un épisode très noir autour de janvier 1943, où on a envie de dire, quand on ne connaît pas trop cette histoire, les méchants allemands ont détruit Marseille. Quand on rajoute un peu de connaissances historiques, on voit que ça tombait bien, ça a arrangé certaines personnes. Voilà, tous ces points sont devenus des points d'investigation pas prévus. Et j'aime bien quand notre recherche nous fait faire ça, nous emmène là où on ne savait pas trop où ce qu'on voulait regarder. Donc on voit bien ces immeubles qui ont été construits, toute cette zone qui a été rasée en 43, qui à partir de 45 va être reconstruite, avec des immeubles particulièrement soignés et particulièrement riches que nous allons aller voir une fois qu'on aura franchi la mairie, et des immeubles à l'arrière qui sont presque aussi riches, mais moins. Tu vois, ces façades sont plus tristes. Ouais. On ne se rend pas compte, mais celles-là de l'autre côté, côté sud, sont très travaillées. Le côté nord, c'est toujours froid. Hein. Marseille, c'est le Mistral. Donc, c'est pas l'endroit très, très, très agréable. Donc, les façades sont un peu tristes. Mais là, c'est la façade sud et elle n'est pas extraordinairement riche. Voilà, il y a aussi deux manières de construire au moment où on va reconstruire cette zone. On l'a reconstruit pour les très riches et puis pour les un peu moins riches, mais plutôt une population riche et plus du tout la population antérieure qui était très pauvre et qui vivait dans les petites maisons, dont on va voir l'équivalent un peu plus tard. C'est là. Alors là, tu trouves un immeuble qui ne ressemble pas à ce que je venais d'évoquer. Oui. C'est un immeuble de belle facture, remontante à la Marseille médiévale puis moderne, d'inspiration italienne. Et on est sur la mairie de Marseille, le bâtiment historique de la mairie. Et donc, on va être encore plus face à la rue de la à Notre-Dame de la Garde et au Vieux-Port. Et donc, il y a une traversée du Vieux-Port avec un petit bateau qui te permet tous les jours de traverser si tu le souhaites. Et tu vas voir quand on va se reculer un peu. Je ne sais pas si c'est... Ça pourrait être un endroit où tu pourrais faire une photo, ouais. Hein? Facile à définir, c'est un parking souterrain. Et ce qu'il a d'intéressant, c'est que construit à la fin des années 90, il a été l'occasion de fouilles, comme toujours. Et du coup, on a trouvé plein d'ateliers correspondant à la fabrication des bateaux. Donc les bateaux, là aussi, l'eau venait jusque là. Hein, donc c'est pour gagner en profondeur qu'on a rempli tout ça avec de la terre. D'accord. Mais sinon, la calanque naturelle, elle vient jusque là. Et on avait juste les bateaux qui étaient tirés sur le bord pour pouvoir être réparés et relancés à l'eau quand les choses allaient mieux. Donc c'était plutôt une chance d'avoir eu ça, cette occasion d'en savoir plus. Il y a un petit musée qui est là derrière, qui s'appelle le musée des docks romains, où on voit effectivement qu'il y a les endroits où ils conserver les amphores, les poteries, pour conserver l'huile, pour conserver le grain. Et donc, ils ont fait un musée là aussi autour. C'est plutôt pas mal. Alors, on a vu l'arrière de ces beaux immeubles. On va voir là-bas. Alors, il n'y a pas de circulation à part les bus, mais du coup, on va faire attention. Ah, il y a un taxi. Les voitures sont interdites ? Oui, je crois. Ouais, cette partie-là est interdite. Oh là, il y a presque rien, mais on n'arrive pas à traverser. Allez, c'est parti. Alors, on va se retourner et regarder un peu ces immeubles. Donc, tu vois, ils ont tous été faits de la même façon. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, la mairie, elle est au milieu de ces immeubles, ouais. Une série. Et là-bas, on retrouve bien les immeubles parisiens, Saint-Ferréol, puis les immeubles parisiens, puis des immeubles sans trop de définition, mais qui correspondent à l'époque médiévale et l'époque moderne. Ouais. Donc maintenant, si on regarde de plus près ces immeubles, ils ont été faits par un même architecte, qui s'appelle François Pouillon. Ou Fernand Pouillon, Fernand, je crois que c'est plutôt Fernand. Et ils sont particulièrement intéressants quand on... Je ne sais pas si tu es très intéressé aux questions d'architecture, oui, mais on voit bien qu'ils ont en haut de la... ces carrés là, sous les plafonds, sont à tous les étages de la même façon. C'est de la terre cuite, c'est des grands espaces qui sont ouverts là sur le Vieux-Port, mais avec moyen d'avoir de l'ombre. Hein. On est en plein sud de ce côté-là. Et si on regarde les données de la statistique publique, on est sur les zones les plus riches de Marseille. La concentration maximale de richesse, parce qu'ils ont des appartements qui, même s'ils sont très grands, ils sont très proches les uns des autres. Donc ça concentre la ressource sur un plan statistique par rapport aux villas qui sont plus espacées. Mais quand même, c'est des endroits très riches. Et on va avancer un peu, puis on rentrera, on circulera en bas et on voit un peu plus près. Alors, une petite question pour t'intriguer. Ouais. C'est quoi le matériau ? Qu'est-ce que c'est que cette pierre ? C'est pas de béton. Béton. Dans les toits, tu as déjà dit de la brique. Ouais. C'est de la terre cuite. Oui, de la terre cuite, c'est ça. Et bon, c'est de la pierre de la région ou... Allez, on va chercher ça. D'accord. On avance un peu et la réponse arrive. D'accord. Quand on sera plus près, ce sera plus facile de se rendre compte. En fait, c'est une trouvaille, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas beaucoup d'argent. La France est un peu ruinée quand même par cette guerre. Donc, construire un truc aussi long, aussi grand pour des gens riches, sans beaucoup de moyens, il faut trouver des solutions. Et une des solutions que trouve Fernand Pouillon, c'est de fabriquer des sortes de grosses pierres de taille, en prenant des panneaux de pierre. Le panneau fait sur 80 sur 40 sur 5 cm. Il en prend un deuxième, il en met un troisième, il en met un quatrième, il en met un cinquième et il en met un sixième. Et entre les deux, il met quoi ? Du béton. Tu as dit ce n'est pas du béton, mais si, c'est du béton. D'accord. C'est intéressant, cette solution. Alors, à certains endroits, c'est de la vraie pierre sur toute la taille, parce qu'elle porte, elle soutient vraiment. Là, on reconnaît, hein, c'est du grès. On voit les coquillages, parfois, le dessin des coquillages qui ont été un peu érodés par le vent. C'était dans ce sens-là, vertical alors, ou alors, là, c'est un vrai bloc. Ah, d'accord. Mais à d'autres endroits, on les devine à peine, hein, mais on voit qu'il y a cette épaisseur et puis l'autre partie qui est collée, et c'est assez fait proprement pour arriver à sortir une solution économique. D'accord. Et prestigieuse en même temps. Il fallait que ça ait l'air d'être une vraie pierre et que ce soit un peu un truc qui soit économiquement tenable. Et il remporte un prix d'architecture sur cette affaire. Parce qu'on commence par faire construire un grand vieux spécialiste de l'architecture qui propose un truc trop cher. Et lui, il arrive, il fait sa proposition et hop, il emporte le tout. Et évidemment, ça va faire sa réputation. Et il arrive à diffuser ses technologies ailleurs. Donc il va jouer avec cette idée de faire du très riche, et tu vois, ça c'est de la pierre de taille complète, et puis à d'autres endroits là-haut, bah, ça se voit pas, on n'est que sur le côté. Si la pierre qui est à l'intérieur, elle est pas visible, bah, j'ai juste mis la façade. Alors aujourd'hui on fait l'inverse, on construit en béton puis on colle la pierre, mais lui il fabriquait, on appelle ça bancher, il banchait avec... C'est des pierres de taille, et puis après il coulait dedans et il construisait avec ça. C'est très intéressant. Donc tu vois, on voit, ils sont travaillés, hein, ces plafonds avec en terre cuite. Oui, ils sont très travaillés. Dans les restos touristes. La ville qui n'a pas été détruite, celle qui arrive, celle qui était en bas ressemblait à celle-là. Donc, alors voilà, je sais pas si tu veux t'arrêter pour faire une photo, oui. ça peut être. Médiéval avec des rehausses successives, ça ressemble à ça. Voilà, je trouve que c'est, ça permet de se rendre un peu compte. Époque où on a reconstruit le front de mer. Voilà, nous sommes là, hein, le long de cette partie. Tout ça a été détruit et on est en train de reconstruire d'abord l'arrière, puis les immeubles sur l'avant, la mairie, et l'extrémité du vieux port et l'église Saint-Féréol où on était tout à l'heure. D'accord ? Ça va ? Rester un peu sur cette frontière des deux et continuer à aller vers le Mucem, vers l'entrée du Mucem, parce qu'on a un point de vue qui est intéressant sur le vieux port et sur les nouveaux ports. Donc on voit cette jolie place, tu vois, avec des restos sympas, avec un peu moins de touristes, on ne mange pas trop mal par là. Des coquillages et des étoiles. Ouais. Je trouve que ça fait un peu architecture soviétique. Oui, un peu, oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça fait architecture d'après-guerre. Finalement, on n'a pas beaucoup d'argent. Et en URSS, on n'a pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Ouais. C'est ça la situation aussi. Et du coup, on voit ce côté de la place de Lange. Suite des opérations de Pouillon, on change de pierre, il ne fabrique plus avec du grès, mais avec une autre pierre blanche. Et là, le maire de Marseille, qui a incarné le Marseille d'après-guerre à partir de 1953, c'est Gaston Defer, 35 ans de mairie, habitait là. Ça te dit un peu que, voilà, on considère que si on habite dans ce quartier, c'est de l'habitat collectif, mais c'est de l'habitat prestigieux. Là, il y a un collège. Mieux encore, quand tu as été au Mucem, tu es allé au labo du Mucem, c'était juste derrière cette tour. Donc si tu y retournes une fois, tu essayes de monter dans cette tour, on a une vue plus intéressante encore que celle que je vais te faire voir. Mais celle-là est pas mal déjà. Et on a des mauvaises odeurs, mais une belle vue. Pas parfait le tourisme marseillais. En fait. Ah, super. On peut aller au bout. D'accord. Comme ça, on voit mieux ce que je veux dire par vieux port. Alors, ça, c'est un accès au Mucem. Voilà. Dans ce moment du 19e siècle où on se dit que d'autres inspirations sont bienvenues. Et donc, on va chercher dans l'orientalisme des ressources, des idées. Et ça donne cette église-là. Et tu vois juste à côté une petite église. Oui. Qui était ce qu'on appelait l'église de la Major, mais la vieille Major et la nouvelle Major. Et l'église de la Major, elle était à l'extrémité d'un rocher. C'était le rocher le plus avancé sur la mer. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a encore de la terre assez loin. À cette époque-là, elle était sur un petit rocher et elle était très, très jolie. Et ils l'ont en partie détruite pour construire la grande. Et quand tu rentres, tu descends une vingtaine de marches parce que le niveau du sol était 20 mètres en dessous. Pas 20 mètres, 20 marches en dessous, de 2 mètres ou 2 mètres de plus que ça. Ça doit faire plutôt 3,50 mètres en dessous. Tu descends pour rentrer dans l'église. D'accord, dans la plus petite. Oui, dans la petite. D'accord. Donc elle était à la pointe du territoire vers la mer et elle était plus d'accord. profonde, On se doute, là, elle semble un peu basse pour une église. Oui, on aimait c'est bien vrai, figurer ouais, c'est vrai. De la hauteur. Bon, ben, c'est juste parce que le sol a été monté. Voilà. Alors, là, on vient de faire quoi? On vient de faire un grand, grand tour. Donc c'est dans ce quartier qu'on va aller se balader maintenant. On va voir ce qui a été détruit. On a un peu imaginé tout à l'heure sur l'arrière du port. Ce qui a été détruit pour construire la rue Impériale, rue de la République. On va aussi s'en rendre compte en voyant ce qui reste. Et il en reste pas mal. On va tourner autour de la mairie. Là, on a tout un tas de constructions qui datent de ce moment où on a donné des terrains pour construire, tu vois, ouais. Parce qu'on a construit l'évêché, on a construit des écoles, on voit là-bas. Pour moi, c'est très clair, c'est les écoles de comme on les construit après 1870. Mais c'est cette époque où d'accord. Se font toutes ces constructions. Ouais, je vois. Allez. Là, tu vas voir encore une fois se construire sur, mais avec une ville antérieure beaucoup plus grande et qui reste en partie présente. On retrouve vraiment assez facilement la ville médiévale, la ville moderne, la ville contemporaine, et on les situe les unes par rapport aux autres. Allez, nous, on va partir par là. C'est à toi de dire, mais est-ce que ces façons de dessiner ne font pas penser un peu au Brésil? Oui, tout à fait. Et moi, je n'ai pas la culture du Brésil. Ça me fait penser aux gêmeos, qui sont des artistes des rues, ils ont un peu cette marque, mais sauf qu'ils dessinent des personnages en jaune. Je veux juste faire une photo. Je te montrerai une autre rue. La rue est large comme celle-là. Il y a du grillage. Tu vois ce que c'est du grillage, oui, du oui. fer oui. posé comme ça. Parce que comme les immeubles s'effondrent. Non. Et donc on passe en ne sachant pas trop ce qui va nous arriver. Et une fois, un jour, il y avait du Mistral avec un copain. Il y a un volet du troisième étage qui est tombé devant nous. Donc on est dans une zone très extrêmement pauvre. D'accord. Extrêmement, pas mise en valeur, à l'abandon. D'accord. La ville ne fait rien. Et aujourd'hui, on a ces efforts de mise en scène, d'appropriation ouais. de l'espace. C'est incroyable. C'est là, très... Panier. De panier. Ah oui, panier. De panier, oui. D'accord. De panier. Je vois. On va passer à travers. D'accord. Et il y a à côté beaucoup d'endroits il va falloir que je te le montre sur le nom des rues, qui témoigne d'une utilisation par des œuvres de charité pour les pauvres de la ville médiévale. Et donc, voilà la plus grande des œuvres, c'est l'hospice de la charité. D'accord. Donc on a les rues de la République, elle est juste là derrière. On voit pas. D'accord. C'est vraiment tout près. Et bien c'est l'arrière des immeubles de la rue de la République. Ah non. Et oui. Je ne pourrais pas imaginer. Là, l'immeuble il est juste haut comme ça. Oui. Je me souviens. Oui. Eh oui. D'accord, tu m'as montré. On est sur la place impériale, la place aujourd'hui Saint-Carnot. Oui, je vois. Tu m'as montré tout au début. Tu as fait la photo, je t'ai dit avance-toi un peu pour être plus. Oui, oui, oui. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que tu avais derrière toi, que tu as photographié, cela, quand tu as fait la photo depuis en bas. Alors, est-ce que. Ouais. Donc, et surtout c'est intéressant parce que si on pouvait, il a été imaginé, cette place est une étoile à six branches. D'accord. La rue de la République, c'est celle qui passe dans ce sens. D'accord. Là, si tu vas plus loin, tu mets bien en face, tu vois une église là-bas au fond. Là, tu la verras plus tard. Tu vois l'église là-bas au fond, l'église des réformés. Donc si on était parti et qu'on allait jusqu'au bout, on serait arrivé à peu près sur cette église. Ouais. Si on allait dans ce sens, et ça a été imaginé, tu vois, cette branche de la rue se prolonge, elle arriverait où ? Sur la Major, sur la cathédrale de la Major. D'accord, oui. On aurait traversé complètement le quartier. Oui. On aurait explosé la colline. D'accord. Et au 19e siècle, on envisage ça. D'accord. Wow. L'argent public va faire le début, mais puis le reste va être fait par l'argent privé. D'accord. Bon, visiblement, l'argent privé n'est pas venu jusqu'au bout. C'est l'idée de détruire, d'avoir détruit complètement tout ce quartier populaire. Et là, donc, c'est l'arrière des immeubles. Hein. C'est génial. Alors, je ne vais pas tout raconter comme le fait que dans cet immeuble, dans les années 30, il y a des partis fascistes français qui sont installés là. Cet immeuble-là a été le siège de la Gestapo. Donc, tu vois, cet espace de représentation de la ville parisienne à Marseille, c'est aussi une représentation du pouvoir ou de la fascination pour le pouvoir. Ouais. Donc on est toujours sur l'arrière, il y a deux escaliers, un de chaque côté, qui permettent de descendre, si on veut descendre jusqu'en bas. Bonjour. Voilà, on est sur une petite place. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas possible, c'est pas Marseille. Je suis dans un petit village de la Provence. Parce qu'effectivement, on s'éloigne. Ça sent que les sons sont complètement. Tu vois, c'est sourd. Oui, c'est calme. On n'entend rien. C'est très, très calme. Et on va l'être encore plus, un peu plus sur cette petite place, qu'on appelle la place des Moulins. Comme on est sur une colline, et qu'il y avait du vent. Le moulin est un bon moyen d'avoir de l'énergie. Donc, on va partir là, à gauche. Mais c'est joli comme tout. Thank you. changement de décor. Voilà. Tu dis, mais c'est quoi ? Une grande place comme ça, au milieu de cet endroit. Alors, tu te rappelles hein, toujours que ça n'a pas toujours été une place. C'était sûrement un groupe de maisons qui faisait tout le tour. Hein. C'était des petites rues qui tournaient. Ah, après, d'accord. On a dû les enlever. Donc, ça s'appelle Place des Moulins. D'accord. Là, c'est de Vigne. Là, tu vois une forme ronde. Ah, d'accord. Qu'on devine à peine. Là, il y a des arbres. Là, c'est... Donc, tu vois, changement de contraste. Oui. Hein. Et c'est l'Hôtel Dieu, le fameux 4 étoiles. Mais 5 étoiles, mais qui est l'arrière de ce bâtiment. Donc, c'est un quartier médiéval avec des grosses constructions qui correspondent à au soutien à la pauvreté et à la misère. Et donc, voilà, on a ces contrastes et je crois que ça aide à comprendre un peu la dynamique urbaine, la dynamique de transformation. Oui, bien sûr. De les marques du temps. Les marques du temps et la ville qui se superpose. Ouais. Mais avec des traces assez visibles quand on est un peu aidé pour les repérer. Ouais. Ça donne un peu d'un coup. J'adore cette maison. Oui, c'est très sympa. Il y a un dernier moulin qui est visible là-bas au fond. Où ça ? Derrière les arbres. Ah, d'accord. Voilà. Mm-hmm. C'est peut-être pas la peine d'aller le voir. On peut tenter. Et tu vois, ils ont eu l'idée, dans le réaménagement de la place, de mettre ces roues là. C'est une pierre de moulin, là où sont la fille, les deux filles. Ah, d'accord. Tu reconnais ? Je vois, ouais. Voilà. D'accord. Pour prendre hommage. Pour écraser le blé. D'accord. Comme ça, tu vois le moulin. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, il a plus les roues, hein, mais voilà, c'est le moulin. D'accord. Alors ça doit être pour orienter les touristes. D'accord. Il y a des petits repères. Il y a des petits fils rouges aussi qu'on voit dessiner, des petites traces rouges qui vont de point en point, qui permettent aux gens de se repérer. D'accord. On est jeunes. Ouais. À Marseille aussi. Là, on la voit bien, la rue. Ça, c'est un passage. On va descendre et on passera à travers ce passage. Ça nous fait d'accord. traverser l'immeuble pour retrouver la rue de la République. D'accord. On passera par là. Juste parce que le dessin apéros, est fait. Ouais. Voilà, les apéros du panier. Ça te figure un peu qu'effectivement, si tu pour manger avec les paniers, il fallait prendre de l'apéritif. D'accord. L'apéritif et du panier. Alors, on se retrouve, c'est la Vieille Charité, ouais. ce grand bâtiment. On va repartir par là, d'accord. on va repasser là où on a mangé. Et ouais. on descend un peu plus bas, on va retraverser la rue de la République par le fameux passage. Comme ça, on a un petit œil sur l'intérieur de ces petites cours. Et où on voit que quand on voit les mêmes immeubles à Paris, ils ont des cours, mais des grandes cours. Donc on a pu faire rentrer les attelages. Les chevaux et les attelages dans les cours, donc les familles riches habitaient là. D'accord. Alors qu'ici, comme on a une toute petite cour, les familles riches ne sont jamais venues s'installer dans ce qui avait l'air d'être une rue faite pour eux. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis des un peu moins riches, pas d'accord. capables d'acheter, mais finalement qui ont incarné une modernité, une réussite. Et du coup, ça nous a plu. On est allé regarder, puisque c'était des locataires, on avait des archives de tous les engagements, on appelle ça un bail en français. Ouais, ouais, voilà. On a pu lire le bail de chacun. Et on a reconstitué, on avait 8500 baux, on les a tous pris un par un. Oh On a noté ça, on a fabriqué une base. Ah, on a mis du temps et on avait embauché des étudiants pour nous aider. Et on a construit une base de données et pour arriver à reconstituer qui avait habité là, à quel moment. Et donc, ça nous a donné une ressource rare hein, pour penser J'imagine. Des choses. Quoi. C'était vraiment intéressant. Très bien. Je vois que les touristes sont nombreux. Ils vont, ouais. Non, mais on voit qu'ils sont quand même... Tu vois, c'est que la place devant la Vie Charité, en journée, elle est pleine, couverte de monde. D'accord. Là, le soir... On vient, mais... Ouais, comme tu as dit, en tourisme des jours. Ouais, c'est ça. Passage de Voilà, et donc le passage de Lorette, c'était un lieu fameux pour nous. Quelle lumière! Oui, c'est Mon ça, Dieu. Hein. Je pense qu'il y a... C'était un peu... Ouais, du coup, ça... Donc toujours les immeubles, bah, on est passé là-haut tout à l'heure, ouais. Les immeubles de la rue de la République par l'arrière, et on voit qu'ils sont de plus en plus hauts, plus on descend, puisqu'on est sur la fameuse petite rue oui. qu'on voyait sur notre... Ah oui, on descend beaucoup oui. Donc, on dirait un métro. Oui, c'est une bonne, pas du tout. D'accord. Bah, ça fait peut-être un peu Lisbonne aussi, non? Oui, tout à fait. Jamais vu cette barrière, tu vois. D'accord. Et fermer les espaces. Ouais. Et les espaces où il y avait tous les larges fenêtres sur mon PowerPoint. Ouais. Et ouais. Le passage des Folies Bergères. Tu vois, c'est tout petit. Ouais. Finalement. Pas d'espace pour les chevaux, les biches. Non, ouais, parce que tu te rends compte, il a fallu déjà percer tout ça, creuser tout ça. Ouais. Vous ne pouvez pas faire très large. Ouais, non, c'était déjà trop, ouais. Et voilà. Un schéma que je ne pourrais pas imaginer si on passe par là. Là, tu te rends compte, on change complètement de ville. Et c'est pour ça que j'étais content quand tu m'as dit j'enregistre les sons, parce que je me suis dit, je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai toujours senti. Oui. Ce passage. Mais ça change, les paysages sonores, ça change complètement. Ouais. Ouais. Là, si tu veux convaincre quelqu'un que c'est important, c'est pas très compliqué. Ici, ça marche à tous les coups. Hein. Je te rappelle, mais si je ne te l'ai pas montré, ça, c'est le truc décisif. Tu tapes dedans. Tu tapes fort. C'est du métal. D'accord, ça vibre. C'est toute une structure métallique. Tous les immeubles sont une structure métallique. Habillés avec au 19e, c'est comme ça qu'ils ont construit. On est à l'époque de la Tour Eiffel, donc 1850. Mais... Et après, on rajoute ça. Ah, d'accord. Mais s'il y a partout, donc ça, ils ont habillé avec du bois. D'accord. Ça, ils ont mis là, entre les trucs. Mais partout, il y a des ça, je ne savais pas du tout. Et tu les devines, tu les vois pas, parce qu'ils sont toujours plus ou moins planqués, habillés, ouais. Repris dans autre chose. Ça, c'est métal aussi, je commence à voir, non, ça non, c'est pierre. Ça, c'est ouais, la pierre. Je vois, ouais. Là, tu es déjà parti. D'accord. Est-ce que j'attirais qu'on s'arrête là? Oui.